L'Université nationale de Vitebsk-Machelov de Biélorussie a fait paraître l'œuvre classique du président Gemelson, maintenant l'indépendance. La cérémonie de parution a eu lieu le 30 mai à l'université.